Chapitre 4e, où Fouinard sent la piste. Au numéro 5 de la rue Lafitte, un bel immeuble cossu. Plante verte dans le vestibule, moquette riche dans l'escalier, ascenseur. Un concierge de bon style qui sentait son ancien valet de chambre du lieu. Étant de haute taille, il détestait les hommes petits, d'où son dédain non dissimulé pour Toto qu'il qualifiait intérieurement de demi-siphon, selon le vocabulaire de Paulus. Mais ce demi-siphon de Fouinard avait, quand il le voulait, un petit air raide qui en imposait quelque peu. « Je désire voir Madame Chardin, » est-elle chez elle. « Je n'en sais rien. »« Vous devriez le savoir. À quel étage ? Mais puisque je vous dis qu'elle est peut-être sortie, ce peut-être n'est pas assez probant. Et qu'elle soit ou non chez elle, cela n'empêche pas qu'elle demeure à un étage quelconque. Elle ne reçoit pas. Vous n'en savez rien. Elle reçoit quand elle doit recevoir et elle me recevra. » Puisqu'il vous déplaît de me répondre, je sonnerai à tous les étages. Voilà tout. » Au ton très décidé dont ces paroles étaient prononcées, le concierge, eut une grimace. C'est au 4e. Montez, si ça vous plaît. Naturellement, il s'abstenait d'offrir l'ascenseur. Mais Fouinard, avec un bon rire, lui adressa un profond salut et, s'installant dans l'appareil, le fit manœuvrer, criant de l'intérieur. « T'es bête, portier, tu as perdu 40 sous. » Il arriva au 4e palier, sortit, renvoya l'ascenseur et sonna. Une vieille bonne vint lui ouvrir. Madame Chardin était chez elle, mais elle était souffrante. Elle préférait ne pas recevoir, sinon en cas d'urgence absolue. Fouinard avait préparé un billet sous enveloppe, avec dedans la carte du préfet, et prit à la domestique de le porter à sa maîtresse. Un instant après, il était introduit. Une femme, grande, en plein deuil de crêpe, au trait fin et d'allure très distinguée, vint au-devant du visiteur. « Monsieur Fouinard, vous n'aviez pas besoin de recommandation pour être reçu. Mon pauvre mari avait pour vous la plus grande sympathie et vous êtes le bienvenu. » Fouinard se trouvait dans le cabinet du mort, un de ces bureaux bibliothèques où s'enferment ceux qui travaillent cérébralement. Par un sentiment dont Toto apprécia toute la délicatesse, on s'était abstenu de ces rangements de ménagères soigneuses qui changent toute la physionomie d'un atelier d'intellectuels. Le bureau était resté encombré de papiers. Les meubles étaient chargés de livres. On eût dit que le travailleur venait d'en sortir ou allait rentrer. Madame Chardin surprit son regard. « Vous regardez ce désordre ? » dit-elle en souriant tristement. « Je n'ai pas eu le courage d'y toucher. » C'était là que mon cher mari travaillait pendant de longues heures et son dernier mot en sortant était « « Surtout qu'on ne touche pas à mon bureau. » Et, ajouta-t-elle avec un sanglot, « Maintenant qu'il est sorti, pour toujours, j'obéis à cet ordre. Comme s'il me l'avait donné en s'en allant pour la dernière fois. » La pauvre femme maintenant pleurait à chaudes larmes. Certes, Fouinard compatissait, on le sait, à une douleur qu'il ressentait lui-même. Mais en même temps, une autre préoccupation le hantait. Dans cette pièce où la femme ne rêvait que du bonheur passé, Fouinard songeait que peut-être était là le secret du mystère qu'il pressentait, qu'il devinait, qu'il flairait, pour ainsi dire. « Madame, » dit-il enfin, « votre mari vous a peut-être raconté comment nous nous sommes connus. Il m'a accordé sa bienveillance, son aide, en un moment où je commençais à désespérer de tout, et je ne l'ai jamais oublié. C'était un cœur d'élite, et d'autant plus déplorable est la douloureuse, et très étrange. » Il appuya expressément sur le mot. « Catastrophe qui vous a frappé. »« Oui, étrange, inexplicable. Si vous saviez combien il était vivace, dispo. »« Vous êtes au courant de toutes les observations qui ont été faites par les spécialistes et qui ont conclu à un empoisonnement. »« Je sais. »« Quelle torture ce fut pour moi de le savoir livré au scalpel des chirurgiens. »« Mais je le connaissais. »« Je savais quel intérêt profond il portait à la science et j'ai obéi à sa pensée. » Seulement, laissez-moi vous dire qu'en ces déductions scientifiques, je n'ai rien trouvé de probant. Que cette idée d'une substance toxique voguant dans l'air m'a paru, je dois le dire, plus que ridicule. N'est-ce pas votre avis ? Oui, jusqu'à un certain point. Mais je vous en prie, allez jusqu'au fond de votre pensée. Elle eut un léger frisson. J'admets l'hypothèse d'un poison introduit dans son organisme. Et je ne puis nier la constatation faite de la présence de traces toxiques. Mais à vous dire tout ce qui pour moi résulte des faits, c'est que c'est ici même, dans cette pièce, que le poison s'est trouvé. Par hasard, je ne puis croire le contraire. Seul, j'entrais ici et ne laissais même pas des domestiques le soin d'y faire le nécessaire. Ma fille m'aidait parfois. Mon fils, qui fait son service militaire, n'y est pas entré deux fois en un an. Mais ne se peut-il pas que quelque objet existant dans cette pièce ait été contaminé, depuis longtemps peut-être, par une substance dangereuse? Mais cette hypothèse se rapporte en somme à celle des médecins. Vous avez raison, je m'explique mal. Mes idées sont si vagues que je n'arrive pas à les préciser. J'ai eu tort de dire que j'entrais seul dans cette pièce. Il y recevait des amis, souvent même des indifférents, des quémandeurs de secours. Et vous vous demandez si quelqu'un n'aurait pas volontairement ou non apporté et laissé ici quelques germes toxiques. C'est cela. Et pourtant, cette supposition me fait peur, car elle conduirait à des accusations dont la pensée seule m'épouvante. Et qu'il faut, je crois, repousser bien loin de votre esprit, car vous ne devez pas ignorer que des accidents analogues ont été constatés. Il faudrait, dans votre hypothèse, admettre l'existence d'une sorte de colporteur du meurtre. Et pourquoi pas ? Demanda Madame Chardin, en enveloppant Fouinard du feu de ses grands yeux noirs. N'est-il pas des êtres nés pour le mal et qui sont de véritables monstres ? Fouinard la regardait attentivement. Il devinait que la douleur, que le désespoir sont quelquefois des facteurs de divination. Cette femme, par la prescience de son amour brisé, arrivait à une conclusion que le calcul avait déjà fait naître dans son esprit, à lui, Fouinard. Mais dites-moi, je vous prie, à quel mobile vous avez obéi en venant me voir ? Je connais votre réputation, monsieur Fouinard. Et un instinct me dit que, si vous vous êtes présenté ici, ce n'est pas seulement pour apporter à la veuve de l'homme que vous aimiez des stériles consolations. Et puis cette carte du préfet de police que vous m'avez fait passer semble indiquer que votre démarche a trait à quelques recherches sur le crime qui a été commis. Sincèrement, vous croyez donc à un crime ? Hélas, oui, je vous le dis sincèrement. Je ne pouvais appuyer cette affirmation sur aucun fait précis. Mais je sais, je sens que mon mari a été assassiné. Et vous, affirmez-moi donc le contraire. Madame, reprit Fouinard, à votre franchise, je réponds avec franchise. Moi aussi, je crois à un crime. Mais à pouvoir vous fournir quant à présent aucune indication sur la façon dont il a été perpétré, non, je me récuse. Je ne veux même pas vous faire connaître sur quelle déduction, à peine formée, j'appuie mes hypothèses. Mais puisque je devine en vous un intense désir de connaître la vérité, je vous propose un pacte. Je vais vous adresser quelques questions. Vous y répondrez en toute sincérité, sans chercher à découvrir ce qu'elles peuvent cacher, et vous serez patiente. Je promets de vous obéir. Mon mari, vous avez en estime toute particulière. Je sais que vous êtes un honnête homme, et comme tout le monde, j'ai admiré l'étonnante habileté dont vous avez donné des preuves. Mais vous avez dit vrai, je donnerai 10 ans de ma vie pour échapper aux doutes qui me torturent. Soupçonneriez-vous quelqu'un ? Elle hésita, pâlit et tout bas. Peut-être. Et ce mot qui lui échappait témoignait d'une telle angoisse que Fouinard s'écria : Ah, madame, si vous avez quelque foi en moi, je vous supplie de me croire. La personne dont le nom est en vous, avec ce doute terrible qui vous tue, était-elle des familiers de la maison ? Oui. Eh bien, je vous jure que cette personne, quelle qu'elle soit, quelles que soient les apparences qui vous troublent, je vous jure qu'elle est innocente, et je vous le prouverai. » D'un mouvement spontané, Madame Chardin tendit la main au jeune homme. « Je veux vous croire, je vous crois, car ce serait trop horrible. » « Cela n'est pas. Oui, il y a un criminel, j'en ai la conviction. Mais ce misérable ne connaissait pas votre mari, ne lui a jamais parlé, je dis plus, n'est jamais entré dans cette maison. » Et il parlait avec une chaleur si communicative que la pauvre femme déjà persuadée lui répéta qu'elle remettait tout entre ses mains. Que voulait-il ? Qu'il parlât et l'obéirait. Fouinard avait déjà compris qu'il y avait dans cette âme de femme un secret d'une délicatesse infinie. Il devait le respecter, aussi reprit-il. Première question. C'est dans cette pièce que votre mari faisait sa correspondance ? Oui. Ce détail que donnait un journal Est-il exact que lorsqu'il en est sorti à la minute suprême, il tenait deux lettres à la main? C'est absolument vrai. Qu'avez-vous fait de ces lettres? Je les ai gardées. C'étaient les derniers objets que mon mari avait touchés. Au premier moment, je n'y avais pas pris garde. Elles étaient cachées sous son corps écroulé. Et ce fut plus tard que je les ramassai pieusement. Et vous les avez conservées? Où sont-elles? Là, sur son bureau. Les voici. Vous ne les avez pas ouvertes? Oh, il m'aurait semblé que je commettais un sacrilège. Tenez, les voici, intactes, froissées seulement par le poids de son corps. Du reste, l'une d'elles m'était connue. C'était adressée à notre ami Morvan une invitation à dîner pour le lendemain. Et l'autre? Elle est adressée à Monsieur Georges Vanier, que je ne connais nullement et dont je n'ai pas entendu parler. Madame, dit Fouinard, il faut ouvrir ces lettres. Quoi? Vous voulez? Oh non, non, je ne veux pas. Est-ce ainsi, madame, que vous tenez l'engagement pris tout à l'heure? Et dois-je me heurter dès ma première requête à un refus qui m'empêche d'agir? Madame Chardin avait caché sa tête dans ses mains. Elle releva le front. Ouvrez vous-même ces lettres, dit-elle simplement. Merci, dit Fouinard. Et de son canif, il coupa les deux enveloppes. Celle qui était adressée à M. Morvan était bien conçue dans les termes que Mme Chardin avait indiqués. Une invitation amicale, familière, pour le lendemain. Fouinard la présenta à la femme, puis examina soigneusement l'enveloppe. Ceci fait, il passa à l'autre lettre. Il en tira la feuille, pliée en quatre. « Monsieur, je ne refuse jamais un service littéraire. Envoyez-moi votre manuscrit. Je le lirai avec attention. » Mais je vous avertis que je suis d'une franchise brutale. Cordialité, Chardin. Ceci était sans doute d'un auteur dramatique en herbe qui voulait lui soumettre quelque élucubration. Voyez donc, je vous prie, sur le bureau, si vous ne trouvez pas la lettre qui lui avait été adressée par ce Vanier. Madame Chardin chercha et en un instant trouva la lettre demandée. Elle était encore dans son enveloppe, assez longue, d'une écriture menue, hachée, fiévreuse. Elle débutait par des témoignages d'admiration passionnée, puis suivait une sorte d'autobiographie, la vie en province, les essais littéraires, les succès d'entourage, la venue à Paris, la passion de l'écriture, les tentatives avortées, et enfin la composition d'une pièce en quatre actes en vers, pour laquelle on réclamait, comme une grâce, une lecture et un avis, avec des assurances d'éternelle reconnaissance. C'était bien à cette lettre que Chardin avait répondu par le billet laconique ramassé par sa veuve. Il recevait souvent des lettres semblables et y répondait toujours favorablement, dit-elle. Il était si bon. Ce jeune auteur avait pensé à tout, dit Fouinard. Voyez cette note dans le coin. 6 juin, un timbre pour la réponse. C'est ce qu'on peut appeler la carte forcée. Disant cela, il examinait attentivement l'enveloppe qui avait contenu la réponse de Chardin, la retournant dans tous les sens. Si la triste veuve n'avait pas été absorbée dans la contemplation de l'écriture de son mari, elle aurait vu une lueur soudaine, rapide et étincelante comme celle d'un éclair, jaillir des yeux de Fouinard, tandis qu'une commotion le secouait tout entier. Mais instantanément il réagit contre cette émotion, se dompta lui-même et de sa voix la plus calme. « Madame, je vous prierai de me confier cette enveloppe qui contenait la lettre de M. Vanier et cette autre dans laquelle se trouvait la réponse. » Ah, monsieur, c'est un véritable sacrifice. Songez-y donc, c'est le dernier objet que ces doigts vivants aient touché. Je vous en prie, madame, au nom de votre mari. Prenez-les donc, monsieur. Et Fouinard, qui ne pouvait commander à la fièvre qui s'emparait de lui, se hâta de sortir en emportant les enveloppes mystérieuses.